Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu vas expérimenter une grande délivrance, ma sœur, cette semaine. Mon frère, cette semaine est une semaine spéciale. La Bible déclare que notre Dieu, il est le Dieu de délivrance. Ces blocages que tu as connus depuis des années, ces blocages financiers, j'aimerais te déclarer que le Seigneur va débloquer de manière extraordinaire. Et ceux qui se moquaient de toi reconnaîtront que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Réveille-toi, ne sois plus découragé parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Tchikenou, le Dieu de justice. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes dans notre semaine de prière spéciale OSP Jéricho. Aujourd'hui, nous sommes au sixième jour. Le thème, c'est briser les lois et les décrets sataniques, deuxième partie. Et la référence de base, c'est Luc 13, 10 à 17. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Nous allons donc lire notre référent de base, Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous avons vu qu'il existait des lois et des décrets sataniques. Ce sont des lois qui bloquent les hommes. Ce sont les lois qui sont signées parfois ou qui sont commanditées par Satan pour te rendre malheureux, pour bloquer ta vie, pour bloquer tes finances, pour te maintenir dans l'esclavage, pour te maintenir dans la maladie, pour te maintenir dans l'humiliation, pour bloquer tes finances. Ce sont ces lois-là. Nous devons reconnaître qu'il existe un système spirituel qui bloque les hommes. Et tant que nous n'aurons pas discerné cela, nous ne pouvons pas nous en sortir. Il y a des cas de maladies qui sont dus aux puissances sataniques, aux puissances des ténèbres. Je ne veux pas dire que toute maladie vient nécessairement de démons, mais nous devons reconnaître. Il y a des gens, lorsque quelqu'un souffre, oui, il dit oui, le psychologue a dit, je n'ai rien contre la psychologie, mais écoutez, il faut détecter. Il y a des choses par lesquelles la guérison ne peut venir que de manière surnaturelle. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je parle, tu souffres depuis longtemps d'une maladie. Ton médecin t'a dit que la maladie est incurable. Je te dis maintenant là où tu es, impose les mains sur la radio ou si tu m'écoutes à travers les médias sociaux, sur les iPads, sur sur iPhone ou je ne sais pas sur ton téléphone, crois maintenant que la main de Jésus est en train de te toucher. Tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Et je commande à toutes ces puissances de maladie, aux esprits de mort qui t'ont terrassé, de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les décrets que Satan a signés contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu bon. Regardez le cas de cette femme. La Bible déclare que cette femme était infirme. Elle allait tous les jours dans la synagogue. Elle était juive. Elle avait une malformation. Vous voyez, il est dit au verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. C'est comme chez nous ici l'équivalent du dimanche. Mais on dit, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Nous allons dégager trois grandes vérités qui vont nous aider à comprendre comment le diable signe certaines lois pour nous rendre malades, esclaves. La première chose, c'est que la possession démoniaque est une réalité que nous devons reconnaître. C'est un cas de maladie, c'est un cas de diabète, c'est un cas même de ce qu'on appelle sida. Peuvent venir du monde satanique. Oui, on en a déjà rencontré. Il ne faut pas toujours dire, le médecin a dit, ce n'est pas mauvais d'avoir un médecin. Mais il faut reconnaître que, au-delà, surtout lorsqu'on fait des examens, on ne comprend pas. On diagnostique, aujourd'hui on dit que c'est telle chose, le lendemain on dit que c'est telle chose. Il y a des cas qui dépassent la médecine moderne. Et là maintenant, il faut le médecin des médecins, le roi des rois Jésus-Christ pour te libérer. Lorsqu'il y a un démon qui est caché derrière une maladie, c'est difficile d'en guérir. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à un monsieur. Ça fait longtemps que ta femme te parle de Jésus. Toi, tu penses que comme tu as l'argent, tu peux aller en France. Regarde combien de pays que tu as sillonné pour voir les spécialistes. Mais ta situation ne change pas. C'est Dieu qui t'interpelle. Et j'aimerais te dire que le Seigneur, si tu t'approches de Jésus, tu vas vivre un miracle, une guérison extraordinaire. Et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui est vivant. Humilie-toi et viens au Seigneur. C'est le cas de cette femme-là. On dit, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, malgré qu'elle partait tous les jours dans la synagogue. Il n'y avait personne pour détecter. Les rabbins étaient là. Est-ce que ce n'est pas ton cas, toi qui vas? Peut-être dans ton église, on dit oui, non, ta maladie là, c'est un problème tout simplement de surménage. Tu as besoin juste de te reposer. Tu as besoin de prendre des vacances. Mais tu as pris des vacances, mais les choses ne changent pas. Il y a quelque chose de spirituel. La Bible nous dit que cette dame était une fille d'Abraham. Cette expression servait à montrer son origine juive. Les juifs sont les descendants d'Abraham par le fils de la promesse en Isaac. Mais pour nous, du Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Donc aujourd'hui, le fils, la fille d'Abraham, c'est l'équivalent de chrétien. C'est vrai, on dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais nous devons reconnaître qu'un chrétien qui ouvre la porte à Satan et aux démons peut être sous influence démoniaque, peut connaître des problèmes de santé dus aux démons qui l'envoûtent, peut connaître des blocages, des chômages, des blocages au niveau des finances dus aux puissants démoniaques. Il faut que toi-même tu arrives à discerner quelle est la porte que tu as ouverte à l'ennemi. La Bible nous dit que cette fille d'Abraham, Satan l'a liée pendant 18 ans. Cela veut dire qu'il y avait une sorte de loi qui a été signée que celle-là, elle doit demeurer toute sa vie malade. Je parle à quelqu'un, ça fait plus de 10 ans. On te dit que ta maladie là ne peut pas guérir. On te dit que ta maladie là, elle est héréditaire. Vous savez, dans plusieurs pays d'Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, quand quelqu'un souffre d'une maladie, il est de coutume que le médecin commence à demander « Est-ce que ton père ou ta mère n'a pas souffert de cela ? Est-ce que ton grand-père n'a pas souffert de cela ?» Ce n'est pas mauvais, même si c'est le cas. Il est vrai que certaines maladies sont héréditaires, mais nous ne devons pas trouver cela comme une fatalité, comme s'il n'y a pas de solution. Tu peux être guéri de l'asthme même si elle est héréditaire. Tu peux être guéri de l'hypotension, de l'hypertension même si c'est héréditaire. Tu peux être guéri, quoi que c'est possible. Même si c'est ta mère chez qui tu as hérité. Tu peux déclarer que toi tu es racheté par le sang de Jésus. Et toutes ces maladies dont souffraient ton père et ta mère, tu n'es pas obligé d'en demeurer toujours souffrante toute ta vie. Est-ce que tu comprends? Deuxième leçon, c'est que seul Jésus a le pouvoir de libérer tous ceux qui sont victimes des liens sataniques, des décrets sataniques, tous ceux qui croupissent sous l'esclavage. Lorsque Jésus vit cette femme, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Vous voyez, c'est Jésus qui a cette puissance. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, toute ta famille est poursuivie par les esprits des eaux. Tu te vois souvent en train de nager dans les eaux. Tu te vois souvent au cimetière, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu continues à faire des songes, à rêver ton papa, ta maman, ton cousin qui est déjà mort et que vous êtes ensemble. Lorsque ces rêves sont fréquents, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est caché, un esprit de mort que tu dois refuser et chasser dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Toutes ces forces, tous ces démons qui te poursuivent, qui bloquent ta maison, qui bloquent ta famille, qui bloquent même tes enfants, qui commencent à faire que les enfants commencent à avoir de mauvaises notes à l'école. Jésus les a vaincus, il les a dépouillés sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Et si tu vis, tu t'approches sincèrement de Jésus-Christ, il est capable d'annuler ses lois. Il est capable de te libérer et tu peux expérimenter une nouvelle vie. Tu peux expérimenter la pleine santé. Est-ce que tu comprends? Jésus a imposé les mains à cette femme et elle fut guérie. Le démon est sorti. Jésus a délivré plusieurs personnes qui souffraient d'oppression démoniaque, dont les maladies étaient dues aux puissants démoniaques. Il a guéri l'enfant lunatique qui fut possédé par un esprit impur. Matthieu 17, 18. Il a délivré les démoniaques de Gadara. Marc 5, 6 à 13. Il a délivré Marie de Magdala. Cette femme avait 7 démons. Luc 8, verset 2. Vous voyez, troisième vérité. Certaines traditions dans nos églises peuvent empêcher les membres d'expérimenter la liberté en Jésus. Regardez la réaction des chefs des synagogues. Verset 14 dit, « Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours de sabbat. » Vous voyez? Donc, ce qui l'intéressait, c'était la tradition. Oh, les jours de sabbat, on ne fait pas ceci, les jours de sabbat, on ne guérit pas quelqu'un. Et Jésus dit, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche, de son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes les jours de sabbat? » Je vais dire à quelqu'un, oh bon, mon frère, les traditions de nos églises là, parfois ce sont les hommes qui les ont créées. Nous devons plus obéir à la loi de Dieu. Pendant que les chefs de la synagogue, pendant que les juifs s'accrochaient aux traditions, aux lois et traditions des hommes, Jésus s'approchait à la loi de Dieu qui est la loi de l'amour. N'utilisons pas nos lois, nos traditions, nos statuts pour maintenir les gens dans l'esclavage. Privilégions l'amour de notre prochain pour laisser Christ libérer des personnes qui sont sous le joug de Satan. Je vais donner un conseil à un homme de Dieu. Regarde, ton église est en train de se vider. Parce que tellement tu tiens aux traditions. Évoluons quand même. Au lieu de mettre l'accent sur les histoires de prières, on ne prie pas comme ça. On ne doit pas chasser les démons. Les démons n'existent pas. Il y a des réalités où vous voyez les gens sont bloqués. Ils n'évoluent pas. Laissons la manifestation de l'Esprit de Dieu, des charismes, mais que cela se fasse dans l'ordre. Donc gardons l'équilibre entre l'ordre dans l'église et la manifestation des charismes. Parce que nos traditions peuvent bloquer même nos propres églises à évoluer sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Il y a certains cas de blocage où les gens ne se marient pas parce que tout simplement il y a une loi satanique qui bloque toute la famille, les jeunes filles, les jeunes garçons. Si nous n'arrivons pas à discerner cela, nous allons voir que nos membres ne peuvent pas évoluer sur les plans sociaux, sur les plans financiers, sur les plans matériels. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer en chantant ces cantiques. Payé au

du Dieu invisible, nous t'élèvons, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rappelons que nous sommes dans notre semaine spéciale de jeûne et prière spéciale OSB Jéricho. Et le thème de ce jour, c'est briser les lois et les décrets sataniques, deuxième partie. Notre texte de base, c'était Luc 13, 18 à 17. Nous avons vu ici qu'il existe certaines maladies, certaines malformations, certains blocages dont l'origine est démoniaque, satanique. Peut-être que dans ta vie, dans ta famille, il y a comme des lois où tout le monde souffre des mêmes maladies. Tu vas prier maintenant pour annuler ces lois, pour briser ces lois sur ta vie et pour dire ces lois n'ont plus d'influence sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tous tes hauts faits. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce matin, ô Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ contre les lois maléfiques dirigées contre les fils et les filles de l'Éternel, les lois maléfiques qui engendrent des maladies incurables, les décrets sataniques. Nous déclarons que ces lois et ces décrets sont annulés au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout blocage satanique, tout obstacle satanique qui empêche les enfants de Dieu d'évoluer est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune maladie, qu'aucune infirmité ne prévaudra sur la vie des fils et des filles de l'Éternel. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces programmations sataniques, ces programmations maléfiques sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la force, parce qu'en cette saison de jeûne et de prière spéciale Jéricho, tu nous capacites, tu nous équipes pour renverser les puissances de l'ennemi, pour avoir notre autonomie spirituelle et pour marcher dans la victoire. Toi, merci pour ce privilège que tu nous donnes, merci pour cette grâce que tu nous donnes, merci pour cette force que tu nous donnes, merci parce que tu nous délivres de tous nos ennemis. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs ou notre mari, notre épouse, notre enfant qui souffre d'une maladie qui dure depuis plusieurs années. Demandons au Seigneur de les toucher et chassons tout esprit impur qui serait à la base de leur mauvaise situation. Soumettons-les à l'autorité du Christ, même si la personne est au loin. Crois que la main de Dieu est en train de les toucher. Si tu as quelqu'un qui est malade, un membre, un parent, impose-lui la main maintenant même. C'est la puissance de Dieu qui va les toucher. Toi, femme, impose à ton mari. Ça fait longtemps que ton mari souffre. Oui, la puissance de Dieu va les toucher maintenant même au nom de Jésus. Prions le Seigneur avec foi. Te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous reconnaissons ta seigneurie ce matin, ton autorité ce matin, ta suprématie. À toi la gloire, parce que nous nous inclinons et levons les mains vers toi pour reconnaître que tu es l'unique, le seul qui peut agir sur nos vies. Tu dis et la chose arrive. Dans le psaume 145, verset 16, c'est toi qui ouvres ta main et tu satisfais les besoins de tout ce qu'il vit. Alléluia. Ouvre ta main sur nos enfants, nos épouses, nos maris, tous ceux qui nous sont chers. Que ta main de guérison, que ta main de délivrance, que ta main de victoire, que ta main de gloire soit posée maintenant pour que la maladie prenne la fuite maintenant. Nous ordonnons, nous commandons, nous conjurons, nous adjurons par le pouvoir de Dieu, de l'Éternel, de Yahweh Rapha, au nom de Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, tu seras guéri, et nous reconnaissons le pouvoir de ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos leaders d'église, surtout celles qui s'accrochent plus aux traditions, qui maintiennent les gens dans l'esclavage. Prions pour que le Saint-Esprit puisse saisir leur cœur, afin qu'ils puissent accepter l'évolution, les changements, pour laisser l'Esprit de Dieu agir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, encore ce matin, nous te retournons toute la gloire et nous te bénissons. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a point changé. Les miracles nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tu as dit, tu es avec nous tous les jours. Seigneur, tu as dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel pour toujours et pour toujours. Seigneur, merci parce que anciens de nos pasteurs, oh notre Dieu, sont encore dans les choses d'antan. Ils ne veulent pas le pouvoir de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit dans certaines églises, Seigneur notre Dieu. Cela est proscrit, cela est aboli. Père, ce matin, je prie, Papa, que ces idées rétrogrades, ces idées, oh Dieu, des théologies bizarres, de pensées bizarres qui s'opposent à la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, ces idées qui retardent l'évolution de l'Église, la croissance de l'Église, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous allumons le feu dans toutes ces communautés, dans la vie de ces serviteurs qui s'opposent. Père, renverse les dogmes, renverse les pensées, renverse les idées humaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth et envoie les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, le pouvoir de Dieu, l'onction du Saint-Esprit pour que, Papa, il y ait des guérisons miraculeuses, des délivrances miraculeuses par la prédication de la parole de foi. Père, manifeste-toi, agis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La clôture du jeûne spécial Jéricho se demain à partir de 9h à l'église centrale de l'Assemblée de Dieu. Préparez-vous, la gloire de Dieu va descendre. Nous rappelons également que le dimanche, 8 mai, nous aurons bonheur conjugal pour les célibataires. Premier service 16h, deuxième service 18h. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À